Chapitre 7. Ensuite, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. Comme la fête juive des tabernacles était proche, les frères de Jésus lui dirent: Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu accomplis. Personne ne cache ce qu'il fait s'il désire être connu. Puisque tu accomplis de telles œuvres, agis en sorte que tout le monde te voie. Ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, Le moment opportun n'est pas encore venu pour moi. Pour vous, tout moment est bon. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait, moi, parce que je déclare que les œuvres qu'il fait sont mauvaises. Allez à la fête, vous. Je ne vais pas à cette fête, parce que le moment opportun n'est pas encore arrivé pour moi. Il leur dit ces mots et resta en Galilée. Quand ses frères se furent rendus à la fête, Jésus y alla aussi, mais sans se faire voir, en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, Où est-il? On parlait beaucoup de lui, à voix basse, dans la foule. C'est un homme de bien, disaient les uns. Non, disaient les autres, il trompe les gens. Mais personne ne parlait librement de lui, parce qu'ils avaient peur des Juifs. La fête était déjà à moitié passée quand Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient « Comment cet homme en sait-il autant, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « L'enseignement que je donne n'est pas de moi, mais vient de Dieu qui m'a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle par ma seule autorité. » L'homme qui parle par sa seule autorité cherche la gloire pour lui-même. Mais celui qui travaille à la gloire de celui qui l'a envoyé dit la vérité et il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi, n'est-ce pas? Mais aucun de vous n'obéit à la loi. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Tu as en toi un esprit mauvais, lui répliqua la foule. Qui cherche à te tuer? J'ai fait une seule œuvre, et vous êtes tous étonnés, leur répondit Jésus. Parce que Moïse vous a donné l'ordre de circoncire les garçons, bien que ce ne soit pas Moïse qui ait commencé à le faire, mais vos ancêtres, vous acceptez de circoncire quelqu'un même le jour du sabbat. Si vous pouvez circoncire un garçon le jour du sabbat pour ne pas commettre de faute contre la loi de Moïse, pourquoi êtes-vous en colère contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Cessez de juger d'après ce que vous voyez extérieurement. Soyez juste dans votre façon de juger. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas cet homme qu'on cherche à tuer ? » Voyez, il parle en public et on ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu qu'il est le Messie ? Mais quand le Messie arrivera, personne ne saura d'où il vient, tandis que nous savons d'où vient cet homme. Jésus enseignait alors dans le temple. Il s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je viens. Cependant, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et que c'est lui qui m'a envoyé. » Ils cherchèrent alors à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Dans la foule, cependant, beaucoup crurent en lui. Ils déclaraient, « Quand le Messie viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait cet homme ?» Les pharisiens apprirent ce que l'on disait à voix basse dans la foule au sujet de Jésus. Les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent alors des gardes pour l'arrêter. Jésus déclara, « Je suis avec vous pour un peu de temps encore, puis je m'en irai vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez aller là où je serai. » Les Juifs se demandèrent entre eux, « Où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver ? Va-t-il se rendre vers les Juifs dispersés parmi les Grecs et enseigner les Grecs ? Que signifient ces mots qu'il a dit, « Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez aller là où je serai. » Le dernier jour de la fête était le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout devant la foule, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. » Jésus parlait du Saint-Esprit que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient « Cet homme est vraiment le prophète. » « C'est le Messie, » affirmaient d'autres. Mais d'autres encore interrogeaient « Le Messie pourrait-il venir de Galilée ?» L'Écriture déclare que le Messie sera un descendant de David et qu'il viendra de Bethléem, la ville où a vécu David. La foule se divisa donc à cause de Jésus. Certains d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?»« Jamais personne n'a parlé comme cet homme, » répondirent les gardes. « Vous êtes-vous laissé tromper vous aussi ?» leur demandèrent les pharisiens. « Y a-t-il un seul de nos chefs ou un seul des pharisiens qui ait cru en lui ?»« Mais cette foule ne connaît pas la loi de Moïse, ce sont des maudits. » Nicodème était l'un des pharisiens présents. C'est lui qui était allé voir Jésus quelque temps auparavant. Il leur dit, « Selon notre loi, nous ne pouvons condamner un homme sans l'avoir d'abord entendu et sans savoir ce qu'il a fait. « Es-tu de Galilée, toi aussi ?» lui répondirent-ils. « Étudie les Écritures, et tu verras qu'aucun prophète n'est jamais venu de Galilée. » Ensuite, chacun s'en alla dans sa maison.